Moi je suis de Californie, en fumette 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, mais Ali, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental, plus connu que le Hedge, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme Cheb Hesni, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, fais Boston ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, je l'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarma, lève-toi et danse. صافي بليز يا بابور يا منور خرجني من لا ميزير بلادي ملاني محضور عيت عيت وجوري مار مرضيش مكافر في لالي صافي روضا هداني سالني كي جزوية تنعيها شرينوي يا بابور يا منور خرجني من لا ميزير إذا فلوطي سال بلادي نقصي بمضال Bonnes vacances, c'est Rail Suprême sur Skyrock. DJ Kays au platine. Minuit 2h. Dans Rail Suprême sur Skyrock. خبر البوليسية ساعات تدلي عقلية نحط راسي في الراية دير زوج شهود عليا خبر البوليسية قال علي الناشينا ونقص روحي قبال يا ما جوزي فين جوزي فين نادي الكيفية عطيني صوالحي ولك ودي روح القامة ويا الرومية الرومية ونادي الكيفية عطيني روح الغالة ويا الناس الغالية الشغالة باري ويداد مسلحي سوسو بلي روبي يلا كوبا عمد موبا ويلي قولي زفر الوعد زفر الوعد زفر الوعد زفر الوعد زفر الوعد زفر الوعد زفر الوعد زفر الوعد زفر الوعد راي سوبريم راي سوبريم مينوي 2 heures سو سكاي روك

bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Skyrock.

suis chaud, mais le gilet par balle. Petit cigare, chapeau de paille. Vert de rosé, ah, je suis d'aille. Elle a du style, aïe aïe aïe. Elle fait trembler les vilaines canailles. Benga, benga, mi ama. Pina colada, chicha, man, si, signor. Ouai, ouai, ouai, bouge ton corps. Chemise ouverte, relax en or. Chicha man, si signor. Ouai, ouai, ouai, bouge ton corps. Chemise ouverte, Rolex en or. C'est la vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida loca. C'est la vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida loca. C'est la vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida loca. L'Algérino number one. La classe internationale. Elle se prend pour Rihanna. Elle ressemble à Biuna. Vida, vida, vida. J'ai dit vida. C'est végétal. Rice, rice, frais, minuit, deux heures avec Fred et DJ K sur Skyrock. Le plus aimé de tout, ce n'est pas un mystère. Le divo l'on écoute, le son de la caisse claire. Tu fais la même avec semblable devant tes frères. Quand tu casses ta démarche, on a mal au vos airs. Tu fais la même droite, t'es perpendiculaire. Et quand je t'amène à l'hôtel, tu dis que tu vas rien faire.

Suprême. Minuit, 2h. Avec Fred et DJ Kay sur Skyrock. Yeah. Suprême sur Skyrock. Marrakech à Bollywood, Casa Negra, voisine de Hood. Eh bien, la vallée a dit, eh bien, la vallée a dit, eh bien, la vie pire de dit, eh bien, la vie pire de dit, eh bien, la vallée va dit, eh bien, la vallée va dit, eh bien, la vie pire de dit, eh bien, la vie pire de dit. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter, ils savent tous que je suis côté. Seul c'est ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis en coloc avec moi-même, non, dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est comme boy quand je lève mon majeur. Je prends un selfie, je leur dédicace. Moi, star, c'est je suis sur la piste. Au platine, c'est DJ Kaïs. Je suis sur Facebook et sur Snapchat. Je suis en ami avec Natacha. Ce qu'elle kiffe, c'est les chichas. Avec Aïcha Andisha. Bonnes vacances, c'est Rail Suprême sur Skyrock.